dans sa cabane, un tout petit petit négro jouait de la guitare, allez au banjo. Zumba, zumba, zoum, boum, boum, zumba, zumba, zoum, boum, boum, zumba, zumba, zoum, boum, boum, allez au banjo. Un jour dans la cabane, un tout petit petit négro